Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville. Traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Réalisation Jean-Mathieu Zande. Appelez-moi Ismaël. Il y a quelques années de cela, comme j'avais la bourse vide et que rien d'intéressant ne me retenait à terre, l'idée me vint de naviguer un peu et de revoir le monde marin. C'est ma façon à moi de chasser la mélancolie. Quand s'installe dans mon âme un humide novembre et que je me surprends à suivre le premier cortège funèbre qui passe, alors je m'embarque sans délai. Caton, à Rome, autrefois se donna la mort. Moi, je lève l'ancre, tranquillement. Quoi d'étonnant ? Tous les hommes ont un jour ou l'autre éprouvé envers l'océan des sentiments semblables aux miens. Voyez Manhattan, notre ville, notre île, toute ceinturée de quais. À droite et à gauche, les rues vous mènent à l'eau. Regardez ces promeneurs qui se dirigent vers la pointe extrême de l'île et se rassemblent sur les jetées pour contempler la mer. Et là, sentinelles silencieuses s'abîment dans leurs songes d'océan. Non, rien d'autre ne les satisfera que la plus extrême limite de la terre. Ils vont aussi près du bord qu'il est possible. Qu'est-ce qui les attire en ce point? Que cherchons-nous lorsque nous appareillons le regard fixé sur la ligne d'horizon? Supposez que vous êtes à la campagne et que vous marchez perdu dans vos rêveries. Pourquoi ce chemin que vous suivez distraitement? Pourquoi donc ce chemin vous mènera-t-il infailliblement à un ruisseau ou à un étang? L'eau et la méditation seraient-elles liées de quelque intime façon? Mais il y a plus. D'où vient chez nos plus robustes jeunes gens ce désir éperdu de grand large? Et vous-même, pourquoi lors de votre première croisière avez-vous ressenti ce mystérieux frisson quand vous avez appris que le navire était en pleine mer? Songez aussi à l'histoire de Narcisse, qui, ne pouvant étreindre la douce et torturante image qu'il voyait dans la fontaine, plongea dans son eau et s'y noya. Y a-t-il rien de plus significatif? Car cette image est celle-là même que nous découvrons nous aussi dans l'eau des rivières et des océans, l'image de l'insaisissable fantôme de la vie. Là est la clé de tout. Or donc je décidai, un jour de noire mélancolie, de prendre la mer. Mais pourquoi, après avoir maintes fois humé l'air du large sur des navires marchands, pourquoi avoir choisi de prendre part à une campagne de pêche à la baleine? Eh bien, je ne saurais le dire précisément, même aujourd'hui. J'imagine que ma croisière faisait partie d'un programme établi de longue date par la Providence. Et sans doute ai-je joué mon rôle de médiocre comparse dans une expédition baleinière pleine de bruit et de fureur, tel qu'il avait été écrit à mon intention. Il me semble bien cependant que si je voulais m'embarquer comme simple marin à bord d'un navire baleinier, c'est que, voyez-vous, j'ai toujours été incorrigiblement attiré par les choses lointaines, les mers interdites, les rivages barbares. Mais surtout, l'idée de la formidable baleine exerçait sur moi une tyrannie absolue. Partir. Partir à l'autre bout du monde. Connaître ces mers sauvages où le Léviathan prodigieux roule son corps vaste comme une île. J'en rêvais. Dans mes visions de la nuit, les lourdes vannes du monde des merveilles s'ouvraient et je contemplais, envoûté, d'infinies processions de baleines avec au milieu un majestueux fantôme pareil à une haute colline couverte de neige d'une blancheur éclatante. Je fourrai une chemise ou deux dans mon vieux sac de toile et pris la route du Cap Horn et du Pacifique. Je voulais embarquer sur un navire de Nantucket et à Nantucket, nulle part ailleurs. Mais en arrivant dans le grand port de New Bedford un samedi soir de décembre, j'appris que la goélette qui faisait le service de paquebot pour Nantucket venait de partir et que je ne pourrais pas gagner l'île avant le lundi suivant. Il me fallut donc me mettre en quête d'un endroit où manger et dormir. La nuit tombait, d'une tristesse accablante, le froid était cinglant. Je n'avais que quelques pièces d'argent au fond de mes poches, pas de quoi faire le difficile. D'instinct, je me dirigeai vers le quartier des docks. C'était là, pensais-je, que je trouverais les meilleurs prix, sinon le plus cordial accueil. Je finis par jeter mon dévolu sur une vieille bâtisse bizarre, toute de guingois, mal éclairée, dont l'enseigne oscillait avec un grincement lugubre au-dessus de la porte malmenée par un vent polaire. L'auberge s'appelait « Au souffle de la baleine ». Patron, je désire une chambre pour deux nuits. Dans l'angle le plus distant de la grande salle s'avance un comptoir construit à l'imitation d'une tête de baleine franche. Un petit homme ratatiné se tient sous l'immense voûte osseuse de la mâchoire devant ses rayons de vieilles carafes et de bouteilles. C'est le patron, affublé depuis toujours du surnom de Jonas. Il procure affectueusement aux marins dans de petits godets verts les délires de l'alcool et parfois la mort. Moi, je ne voulais qu'une chambre. Oui, une chambre pour deux nuits. Eh non, matelot, non, j'ai rien là. Ah mais attends, dis-moi, matelot, tu verrais pas d'inconvénient à partager le lit d'un harponneur. Tu vas bien pêcher la baleine, non? Dormir à deux dans un lit n'est pas vraiment de mon goût, aubergiste. Et d'ailleurs, je pense que chacun tient à son intimité dans ses draps. Mais si l'individu est au-dessus de tout reproche, pourquoi pas? J'en étais sûr. Allez, assieds-toi, tu veux souper? Ce sera vite prêt. Je dînai, puis attendis le retour du harponneur. Les heures passaient. Après un chahut considérable de marins ivres qui rentraient d'une campagne de pêche de 4 ans, un silence quasi surnaturel tomba sur la grande salle. Mais plus je songeais à ce harponneur, plus me répugnait l'idée de dormir avec un parfait inconnu. Son linge ne serait sans doute pas des plus propres ni des plus fins. J'en avais des frissons. Il n'était pas loin de minuit, un harponneur honnête serait déjà rentré. Quel genre d'individu est-ce donc? Rentre-t-il toujours aussi tard? Non. Mais seulement ce soir, il est allé faire du colportage. Et je sais pas ce qui peut le retenir si longtemps. Peut-être bien qu'il peut pas vendre sa tête. Pas vendre sa tête? Mais quelle sorte de billevesé me racontez-vous là? Et je lui ai pourtant bien dit qu'il pourrait point la vendre par ici, sa tête. Le marché est saturé. Saturé? Saturé de quoi? Mais de tête, bien sûr. Aubergiste, que veulent dire ces sornettes? Oh, gare à toi, matelot. Si le harponneur t'entend dire du mal de sa tête... Eh bien, je la lui casserai. Mais elle est déjà cassée. Cassée? Assurément, et je pense que c'est pour ça qu'il pourra pas la vendre. Au comble de la fureur, j'exigeais de l'aubergiste une explication claire et franche. Il n'était plus question que je dorme avec un individu qui présentait, sans discussion possible, tous les signes de la démence. Allons, jeune homme. Vous n'aimez pas plaisanter, vous aussi, quand ça se trouve? Calmez-vous. Ce harponneur vient de débarquer des mers du Sud où il a acheté des têtes embaumées de Nouvelle-Zélande. De vraies curiosités. Il les a toutes vendues, sauf une, qu'il colporte ce soir, parce que demain, jour de sabbat, ça serait pas convenable. Ces éclaircissements apaisèrent mes inquiétudes, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Dans la chambre, et disons-le franchement dans le lit, où nous fîmes connaissance cette nuit-là et la suivante, je découvris que mon harponneur était un sauvage des îles du Pacifique, tatoué des pieds à la tête, adorateur d'une petite idole en bois d'ébène qu'il appelait Yojo. Mais l'abominable païen, cannibale, hélas, à n'en pas douter, fit vite preuve à mon égard d'une parfaite courtoisie. Et pour moi, passé le premier moment d'effroi, ses qualités l'emportèrent sur tout le reste. On ne cache pas l'âme, voyez-vous. Sous ces tatouages d'un autre monde, je discernais les marques d'un cœur simple et honnête. Il y avait au fond de ses grands yeux noirs les signes indiscutables d'un esprit fier qui ne s'était jamais abaissé devant quiconque et en outre capable d'affronter 1000 démons. Son front me fascinait. Comme il avait le crâne rasé, ce front présentait une vaste pente. Le rapprochement pourra vous paraître cocasse, une pente qui me rappelait irrésistiblement la tête du général Washington. Oui, Kikeg, tel était son nom. Kikeg était un George Washington au développement cannibalesque. » Le soir qui précéda notre départ pour Nantucket, alors que nous étions allongés sous la courte pointe de notre vaste lit et partagions sa pipe tomahawk, il me parla longuement de lui. Il était natif de Kokovoko, une île perdue dans les mers australes, une île qui ne figure sur aucune carte, comme tous les endroits vrais d'ailleurs. Ce cannibale fils de roi s'embarqua un jour sur un navire baleinier qui relâchait dans une baie de son île. « Quiqueg vouloir chrétien apprendre chose à moi pour faire peuple, mon peuple, plus meilleur, plus heureux. »« Tu voulais apprendre des nations qu'on dit civilisées le secret de la sagesse et du bonheur. » Pauvre et naïf Quiqueg. Témoin des mœurs des marins sur les navires et dans les ports, il ne lui fallut que peu de temps pour comprendre que les chrétiens peuvent être à la fois malheureux et méchants. Et il abandonna tout espoir. Monde mauvais partout. Nord, sud, partout. Quiqueg, mourir pas chrétien. Et il resta baleinier. C'est ainsi que cet idolâtre impénitent vivait maintenant parmi les chrétiens, s'habillait comme eux et s'efforçait de parler comme eux. D'où ces manières bizarres qui étaient celles d'une créature dans un état de transition, ni vraiment chenille, ni vraiment papillon, tel était Quiqueg, qui devint très vite mon ami de cœur. Après une belle traversée, nous arrivâmes sans encombre à Nantucket. Nantucket. Un simple monticule, un coude de sable, une plage et du sable. Du sable. Plus de sable qu'on en pourrait utiliser pendant 20 ans en guise de buvard. Et pourtant, c'est là que tout a commencé. Là que fut allée jusqu'à la côte la première baleine tuée par des Américains. Et avant, c'est de là que les peaux rouges qui découvrirent l'île lancèrent leur pirogue à la poursuite du Léviathan. Le Nantucket, qui se tourne depuis toujours vers la mer pour assurer son gagne-pain, a peu à peu envahi et conquis l'univers liquide. Il a commencé par attraper des crabes et des clovis dans le sable, puis il a pris le maquereau au filet. Plus tard, il est parti en canot pêcher la morue. Enfin, il a lancé des flottes de gros navires jusqu'au détroit de Bering. Aujourd'hui, les deux tiers de ce globe terraqué lui appartiennent. Il possède la mer comme un empereur son empire. Il laboure les eaux en tous sens comme sa plantation particulière. C'est là qu'il est chez lui, et c'est là qu'il mène une guerre éternelle à la masse animée la plus puissante, la plus monstrueuse qui ait survécu au déluge. Un véritable Himalaya, un mastodonte de l'abîme, doté d'une force brute de si funeste augure que les épouvantes qu'il suscite sont plus redoutables que ses assauts les plus téméraires et les plus malveillants. À Nantucket, nous passâmes la nuit à l'auberge du Tadpo que m'avait conseillé le patron du souffle de la baleine. Quelle ne fut pas ma déception lorsque Quiqueg m'expliqua que son petit dieu noir, Yojo, lui avait solennellement enjoint de me laisser à moi, Ismaël, la responsabilité du choix du navire qui allait nous transporter, nous et notre fortune. J'avais compté sur la sagacité de Quiqueg pour repérer le baleinier qu'il nous fallait, mais je fus contraint de me soumettre. Au moment où je me préparais à sortir pour prendre la direction du port, Quiqueg eut cependant pour moi quelques paroles rassurantes. Yojo choisir déjà le notre bateau. Toi, aller tout seul et trouver le notre bateau. Quiqueg, es-toi sûr? C'était Moby Dick ou le cachalot de Herman Melville, traduction et adaptation de Philippe Jaworski. Premier épisode avec Christophe Giordano, Ismaël, Miglen Mirtchev, Quiqueg, Franck-Olivier Bonnet, le patron de l'auberge, et Olivia Rigui, Grégory Kidel, Abel Abouelitaine, Pierre-Jean Pagès, Mathias Jung, Donatien Guillot, Jacques Leplus, Xavier Cato.